Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute. Mon nom est Mathieu Plante et pendant 3 heures, on va découvrir les nouveautés qu'on a reçues à la station. C'est fou 89.1 FM depuis les 7 derniers jours. On n'a pas reçu tant de choses. Le mois de janvier est un mois plutôt mort en radio, mais quand même, on a de bonnes choses à faire entendre, dont Nightlife Magazine qui nous présente Montreal Noise and Friends 3 avec des artistes tels que We Are Wolves, Ghislain Poirier, Les Amis au Pakistan, Artist of the Year. On va écouter quelques groupes qu'on ne connaît pas encore parce que la plupart des groupes que je mentionnais là, c'est des affaires qu'on passe déjà assez fou. On a aussi reçu Shad avec The Old Prince, Sleepless Nights, St. John 3, The Revenge et un nouvel album de Nico Lelièvre. Mais on commence par un groupe qui est quand même assez underground, évidemment, mais quand même connu, assez fou, Alec et les Mauvaises Raisons. Le nouvel album s'appelle Ma Plante s'est jetée du troisième. Et tout de suite, voici le cycle dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Le cycle des choses a fait que tu as une vie. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Dis que tu es mal pris, que tu es incompris. Mais regarde-toi un peu là. Un hommage à tes ancêtres, tu te prends la tête. Tu aurais dû m'inviter. Reportage sur les coureurs du 100 mètres. J'aurais pas dû t'inviter. Un cendrier, une décence, c'est l'insuffisance. La raison d'y perdre sa pensée. Dommage que tu ne sois pas de la conception. Dis-moi c'est ce que nous savons. Yeah. respiration. Fouille son portefeuille, ne prends pas l'argent. S'il y a des photos, je ne veux pas le savoir. Appelle son numéro, s'il a de sa soif. Ne parle les bordels, explique-leur l'accident. Il a manqué sa pension. Ils vont manquer son affection. Il a des taches de douleur, et ceux qui en ont plusieurs font fondre ceux qui les aiment en pleurs et causent des chagrins sanguins. Pendant que nous attendons une mort certaine, les écoutant parler cette langue autre que la mienne, assis dos à dos au milieu du pont, je regarde l'eau et pensif finir au fond. Dire qu'il y a toutes ces conneries qui me restaient à faire. J'aurais bien joué maintenant une partie de fer. Puis mes divagations furent toutes interrompues par ces négociations qui n'en finissent plus. Ça hurle, ça nous pointe et on ne sait où s'en est. Quand soudain je remarque l'un d'entre eux est distrait, me tournant dos à tes dents pour que tu me libères. Je pense avoir le courage d'en foutre au moins un par terre. Trois premières pièces du nouvel album de Alec et les Mauvaises Raisons qui s'appelle « Ma plante s'est jetée » du troisième. On a entendu le cycle suivi de « Le chagrin » et ça, c'était « Le voilier ». Alec et les Petits Pénis était leur ancien nom, c'est vrai. Le projet a débuté en 2003 sous le nom d'Alec et les Petits Pénis, mais a dû changer son nom quand les sourcils des parents du petit bonhomme qui chanta sur le précédent album froncirent quand ils apprirent que nous allions écrire le nom de leur fils dans la pochette afin de le remercier. Étant des plus empathiques, nous avons accepté la métamorphose. Depuis, le ton des chansons reste la comédie torridement noire, mais le nom est moins drôle. Les années de t-shirts et de posters ne nous viennent plus, mais au moins, aucun enfant ne risque de voir sa structure mentale abîmée par notre bêtise musicale. Amusez-vous comme si vous étiez de bonne humeur et ne faites pas comme ceux qui font de mauvaises choses. Bon, il faut croire que moi aussi, je suis de ceux qui ne peuvent s'empêcher de donner des conseils vitaux. Désolé, dit le MySpace. On a déjà dit ceci, et je cite, « Mais c'est surtout par la qualité de ces textes que pleures-tu ?» Non, mais quelqu'un de vrai, ça c'est le nom de leur album précédent, impressionne. Duprat a ce talent de mettre en musique un quotidien qui, sans la touche de l'auteur, resterait morne, froid, voire quelconque. Ça, c'est Quartier Libre qui a dit ça. Donc, Alec et les mauvaises raisons, c'est au alecetlesmauvaises-raisons.com, Alec, c'est A-L-E-K, ou encore myspace.com/et-les-mauvaises-raisons. Leurs influences, Thrush Hermit, Teenage Fan Club, Jonathan Richman, Flaming Lips, Guided by Voices, Pixies, Mickey 3D et Pagliaro, on pourrait mentionner aussi. Voilà, donc l'album, si vous voulez vous le procurer, c'est le cdbaby.com/CD/ALMR2. Tous les liens sont évidemment sur le site du poste d'écoute au www.unechance.com. On passe de genre avec des petits pénis à un album, une compilation de Nightlife Magazine. Il présente Montreal Noise and Friends 3. C'est un paquet d'artistes vraiment aimés, assez fous. Là. Nous, on joue présentement sur nos palmarès, on joue We Are Wolves. On joue Artist of the Year. On joue aussi Gatineau. On aime aussi Major Bidet, les amis au Pakistan. Un paquet d'autres affaires, j'essaie de pas les nommer deux fois. Mais bon, on va l'entendre, une pièce de Justin Poirier qui s'appelle Blazin' featuring Facey. Et plus tard, on entendra aussi Donzel avec Dance Luzo. On passe d'écoute, vous le synthétisez et vous êtes au 89.1 FM. Yay! Uno ready for this, uno ready for this, uno ready for this. Yay! Like the thunder, like the thunder, like the thunder. Yay! Face the Ghislaine Poirier sizzling live in Iraq. Give me this election, good vibe in the section. Move in the middle section, oh. Give me this election, good vibe in the section. Move in the middle section, oh. Get man up on the dance floor, no. Summon up it when the bassline roll, no. Pull it up, I come and get the one more, no. Come and let me dance all I go, no. This a one of the real K.O., no. In a me brain just like the I go, no. Run through the vein like the blood with a flow, no. Hot like a lava, we keep it blazing. Blazing, blazing all night. Bring you to a higher level, make you feel alright. We keep it blazing, blazing, blazing all night. Bring you to a higher height, make you get a good vibe. We now go watch people things and touch. Stay positive and we show them love. We no really matter about the size of your house. We no watch humanity, we no go really trust you. We no go get distracted and blank. We a do we think, we no really care about rank. We no go watch your money where you have in your bank accounts. Enough of them can't run off them out. Enough of them a bait, enough of them a play a hate. And to all of the facilities I wanna dedicate. Checkmate, a time till you get terminate. Enough of them a pirate, if you run through the gate. Wait, hold on, let me get things straight. Cause I couldn't feel me style, I won't contaminate. With your heart full of hate, me you want eliminate. It's too late, calm me down. We keep it blazing, blazing, blazing all night. Bring you to a higher level, make you feel alright. We keep it blazing, blazing, blazing all night. Bring you to a higher height, make you feel alright. Okay, DJ Facey, she's there for you, they are gay. When you feel it like just allow out, yeah. Okay, DJ Facey, she's there for you, there, yeah. If you're in a divide when you feel it like just allow out. We keep it blazing, blazing, blazing all night. Bring you to a higher level, make you feel alright. We keep it blazing, blazing, blazing all night. Bring you to a higher height, make you get a good vibe. Go bite the dust, but we tell them fire. Get man up on the dance floor, no. Some of them when the bassline roll, no. Pull it up, I come again with one more, no. Come and let me dance all out, go, no. This a one of the real K.O., no. In a me brain just like the I don't, no. Run through the vein like the blood with a flow, no. Act like a lava. We keep it, we keep it, we keep it, we keep it, we keep it, we keep it, we keep it, we keep it. We keep it, we keep it, we keep it, we keep it, we keep it, we keep it, we keep it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing, it, blazing. Vous syntonisez le poste d'écoute. On est en train d'écouter Montreal Noise and Friends 3 et voici Dunzel avec Dance Loser. Danse, Luzo. Danse dans ta tête. Featuring Sexy Chien. Vous avez la compilation Nightlife Magazine présente Montreal Noise and Friends 3 dans le poste d'écoute et Nightlife. Nightlife, c'est un magazine, évidemment, d'où le nom Nightlife Magazine, qui suggère des sorties, qui suggère des c'est comme un peu comme Le Voir, mais en version beaucoup plus underground. Il y a une version montréalaise, une version à Calgary et une autre à Edmonton. D'ailleurs, si vous allez voir sur le nightlifemagazine.com, il suggère des groupes qui vont être à l'avant-scène de 2008, qui seront les prochains musiciens locaux ou quasi-locaux à faire la manchette. L'équipe du Nightlife a repéré 17 noms à surveiller au cours de la prochaine année. Je vais vous les dire. Creature, Chinatown, Radio, Clues, Plants and Animals, Valleys, qui s'appelait auparavant There Were Valleys. Il y a MC La Sauce, Donzel, qu'on vient d'entendre, Empire Isis, Jeune Chili Chill, Lesbo Vrouven, qu'on entend souvent assez fou via l'émission La Dernière Porte à Gauche. Il y a Chocolat, qu'on a déjà eu assez fou aussi. NSR, qui s'appelle Ness Sexual Releases, un collectif électro qui se donne pour mission de populariser la culture 8-bit à Montréal en 2008. J'ai tellement hâte d'aller entendre ça sur le myspace.com/NSRex. Il y a aussi Plante ta femme, Thunder Heist, Subtitle, les Sarcastic, des choses qu'il va falloir surveiller assez fou. Et ailleurs, c'est selon nightlifemagazine.ca. Allez voir ça. Ils nous ont envoyé la compilation Montreal Noise and Friends 3, qu'on ne peut pas trouver en magasin. En tout cas, si je comprends bien, c'est pour fin promotionnelle uniquement. La vente est interdite, c'est écrit dessus. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié cette semaine. On va couronner notre grand album là, à écouter d'ici la fin de l'émission. On n'a pas encore vraiment de nom pour ça. Moi, je l'appelle ça le poste d'or. Je trouve ça cute. Maintenant, on passe à Chad. C'est un petit peu différent. C'est du rap. Et du rap anglophone, encore mieux. Encore beaucoup mieux. L'album, c'est The Old Prince. Et tout de suite, voici la pièce I Don't Like To, précédée de l'introduction qui s'appelle Quest for Glory. Once upon a time, there was an old prince. And this old prince had a problem. And his problem was that, well, he was an old prince. Princes aren't supposed to be old. Princes are supposed to grow up and become kings. Brother, please, no more Pamela Lees, and set it straight. I'm figuring out of Canada to Quebec, separate. And I never medicate, so y'all feel me if I'm ill like a lump. Some dudes used to burn down trees, and now they stung by the simplest questions. And everything they think is deception as they sink in depression. No telling where our life's headed. I'm lightheaded from stress, where I write hooks like a fight method. Like credit, I'm indebted for my misuse. My life is like a magazine, got so many issues. God edits the story, still trying to find the father. Like Maury, he ain't with the stars like Tori. Spelling, spell it out like Nori. On a quest for glory, on a quest for glory, on a quest for glory, on a. Yo, in my life and times, writing rhymes gone from being my release to putting who I be in my release so I can release it. Eventually recoup, maybe cop a coup, and in a year or two release it. I'll probably get screwed, but who needs leases? Legal jargon, people bargain. I'll probably keep the car and just hope it don't crash like Don Cheadle starring with these non-peaceful hearts and minds with strong egos and only see what they wanna see like on TiVo, darling. I gotta maintain just in my own way. We gon' play these snakes like the phone game. We don't say jack, just bring it back to the facts when it comes time to rock like the Stone Age. On a quest for glory, on a quest for glory, on a quest for glory, on a quest for glory, on a. Yo. Yo. Yo, I don't really like to, but yo, I don't really like to, but I put the smack down like it's rehab. Make sure that there's no relapse with these cats. Y'all cowards couldn't rap this dope with a zigzag. I let my lips drag, spitting with that big swag. It's sad all these wannabes. Wanted to be Jay, then Kate West, wanna be star of the rock, kid you're not Sean Connery. But like the rock, I'm surrounded by watery flow, still it really don't bother me. Fake Wallace, weak game, less polished than Ben Wallace's while I breathe. Quality music getting quality spins. Y'all stay second rate, chingies at the quality end. Now that's a joke to a real rapper. I could decrease the skill factor and that still make you feel whacker. RG, now you got me cocky. Cat say you the illest. I'm like, nah, B. Well, okay, probably, but that's just only cause I rap like it's my hobby. Not a jobby job, all sloppy and off key. Y'all mad as Marsh trying to knock off the top seat. I'm in the mix like Roxy, so hot, even get props from neo Nazis. Nah, I don't really like to. Yo, I don't really like to. I don't really like to. I don't like to start verses with I, you know, but iTunes, iPatch, I'm in the same boat where the pirates be. Tell them I'm down with that pirate's D. They don't buy it, I say don't buy it. Pirate me, Vasil, it'll spread virally from I receive folders to appearing in the love that the crowd show. If it sounds dope, keep it on the download. Keep it real, player, with the volume cranked. And I'll be balling like Tim Duncan, calling bank cash. Banked it, but the bank said that my checks been bouncing like the bank head. So I'm bad like credit while they bear styles. More plain than the air miles. Borrow metaphors from mega stores to get rewards. We get them open automatic like the exit doors. And take a step higher, y'all just gotta press the floor and step out and fake it's okay to confess doubt. Knowing how it feels to be stressed out. Tribe called my quest out. Poems I sketch out to find the best route home. Don't live in your dome for too long. You end up like that Tiffany song. Thinking we're alone. We all get older. We don't all get grown, cause some of y'all don't really like to. Yeah, y'all don't really like to. Y'all don't really like to. Y'all don't really like to. Chad. Avec I Don't Like To, précédé de Quest for Glory, l'intro de son nouvel album The Old Prince. Chad, de son vrai nom, Shadrach Kabango, hein, de London en Ontario. Il va être en spectacle, disons-le tout de suite, à Montréal, au Les Saints. C'est à 20h le 4 février. Il va être à Québec, au Dagobert, à 20h le 5 février, donc les 4 et 5 à 20h, Shadrach Kabango. Et quand il est en spectacle, on peut ajouter DJ Tilo, Ian Coiter, Andrew Corbin, Scott Kelly, Explicit et des fois d'autres personnes. Voilà. Son MySpace est au myspace.com/shad, S-H-A-D, ou encore son vrai site au shadk.com. Allez voir ça. Et sur le MySpace, il y a des pièces à écouter, dont I Don't Like To et Quest for Glory, mais aussi Compromise, Brotherman Watching et Angel. C'est évidemment du hip-hop, rap, indie. Tant qu'elle est dans le rap, je me suis dit qu'on devrait continuer dans cette lignée et en entendre des pièces d'une compilation qui s'appelle 2008 Future Superstars of Canadian Rap. Hein? Ça vient de chez Brockway Recordings, Brockway Entertainment, pardon, voilà, Brockway Ent. Et puis, on s'en va entendre une pièce qui s'appelle Heretics Heritage Intro, version clean de Brockway Biggs, featuring DJ SCV, DJ Ducats et Scratch Bastard. Dans le poste d'écoute au 89.1 FM, votre Radio Campus à Trois-Rivières. Some people wanna sleep on me, but I'm fighting back like Scorsese. People tell me to quit cause they hate. I got more desire than Lupe's escape. Solutions out the box, stronger than Fort Knox. Like my name is IBM or Microsoft. The flap of your lips be fluttering like flocks. I'm on the real, you deal with Xerox. Reppin' Brockway Entertainment. Alright, y'all! I get so many questions I can barely handle it. Like, dude, how do I do artist management? Really, I don't know what I'm supposed to say. Go check the resources up on my page. Wisdom lies within my mind's eye. Thoughts like sparks from a firefly. My brain fires in higher cylinders than most. I deliver daily like Canada Post. Brockway Entertainment. This is a lifetime mission. Respect is paid, respect is due. Brockway Entertainment. This is a lifetime mission. Yeah, I got 2 degrees coming out of college, but I don't promise I'm spitting knowledge. I acknowledge those with wisdom and involve them, and still with the skills to solve real problems. Some organizations want me to be their puppet, but I can't conform, my true fans love it. Those who are unique and dare to be free are gonna face hate, that's reality. We believe that the purpose of science is to serve mankind. You, however, seem to regard science as some kind of dodge or hustle. Your theories are the worst kind of popular tripe. Your methods are sloppy and your conclusions are highly questionable. You are a poor scientist. They say necessity's the mother of invention. Correction, socks is that bad motherfucker who's inventing. I created way too many things to mention in a sentence. With more imagination than 11 Jimmy Henson. I've been working so hard, I invented double grease. Then invented macaroni and invented Velcro sneaks. I came up with the microwave trying to build a TV. And ain't the first TV dinner trying to take it easy. Not the first individual to spit at this raw, but I showed Rudy B licorices and straw. Molecular compositions, I could tear them apart. I'm that fella putting caramel in caramel bars. I used the highlighter to sketch the information highway and named every day of the week except for Friday. In comparison, PhDs are looking plastered. I'm making Thomas Edison look like a slacker. Limited, created by me, while the technique and the wax system. Rhymes are poetically kept and alphabetic step. This is an actual fact, this jam is death. Created by me. I can manipulate particles like Play-Doh. Turn air into rain and ice into rainbows. Snow into stone stained with the faint glow of foes. Turned into flames move while I change clothes. I know the universe, playing God's my business. Watch strange phenomenons, learn to crawl up in it. Knew these forces before they were the laws of physics. And they copied my styles and used them all as gimmicks. When I first dropped, the galaxy was cloning my sound. And shortly after, gravity started holding it down. Constellations were attracted and assumed me as king. The next day, magnetism was out doing its thing. I showed up on the earth and said I was a son. They thought God was my pops, instead I was a one. And so I bounced out of there, leaving villages blessed. And they debated what to call me in the religious text. Electricity, created by me. Flintstones tablet, created by me. Cute Geopets, created by me. I'm only giving up the credit where the credit is due. Crop circles, created by me. Stonehenge blocks, created by me. The Great Pyramid, created by me. I'm only giving up the credit where the credit is due. Created by me. Rhymes are poetic, they get an alphabetic step. This is an actual fact, this jam is dead. Created by me. Ghetto Sox et I Invented Everything featuring Jabba the Cut version Dirty, précédé de Brockway Biggs et Heretics Heritage Intro version propre. Dans le poste d'écoute au 89 FM, vous savez peut-être que je n'aime pas tellement le rap, mais c'est pas si mauvais que ça pour du rap. Ça vient de la compilation Brockway Ants 2008 Canadian Rap Future Superstars Compilation. Si vous voulez plus d'informations sur les artistes et sur l'étiquette, allez voir le brockwayant.com ou passez par le www.unechance.com. C'est assez de rap pour moi pour aujourd'hui avec 4 pièces. On a assez tiré. Maintenant, on passe à une autre compilation. Essayez pas. On passe à Sleepless Nights, qui est un groupe canadien. Leur album s'appelle Turn Into Vapor. Et tout de suite, voici Allison Got Robbed dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est l'émission qui découvre les nouveautés avec vous, en même temps que vous, pour la première fois. Mug my girl. They hit her from behind and they stole her purse. She ran across the street to the one world. She's a little shaken up, but she didn't get hurt. She's a little shaken up, but she didn't get hurt. together back home from school through the stormy weather or whatever's cool. Now behind the gymnasium, the rose rings of smoke. You heard the footsteps echo closer. I saw the saliva roll down your throat. Back, head to head, staring at different walls with our feet resting up on different desks. You know this time it's coming, you know this time it's for true. I can already hear that phone ringing and there's not a goddamn thing to do. Sleepless Nights avec la pièce Got Caught de leur album Turn Into Vapor, précédé de Allison Got Robbed. C'est mon album préféré depuis le début de l'émission. Avant de faire un résumé de ce que je joue dans la première heure, voici une petite description de Sleepless Nights. Oui, j'ai dit chou parce que c'est du shoegaze rock alternatif. Selon eux, ils viennent de Halifax. Les membres sont A.A. Wallace, Jeff Pino, Trevor Murphy, Josh Potier, Andrew Sisk, Matthew McDonald et plusieurs autres. Ils vont être en spectacle à Montréal, à la Casa del Popolo, en même temps que Reversing Falls. Ils vont jouer ensemble à 21h. Ça, c'est le 23 janvier, 21h, Casa del Popolo à Montréal. Ils vont aussi être en Ontario, à plusieurs endroits là-bas. Et puis, ils vont aller faire un petit tour au Nouveau-Brunswick aussi. Renseignez-vous sur le myspace.com/thesleeplessnights ou encore sur leur site officiel thesleeplessnights.com. Très, très bon groupe, Sleepless Nights. On va se quitter avec une dernière pièce, une troisième de leur part qui s'appelle All Andrew's Friends. Mais avant, petit résumé de la première heure du poste d'écoute. On a entendu pour commencer Alec et les mauvaises raisons avec l'album Ma plante s'est jetée du 3e. Ensuite, la compilation Montreal Noise and Friends 3 qui mettait en vedette Ghislain Poirier. Et puis We Are Wolves. Ensuite, il y avait aussi Donzel. On a entendu Shad avec The Old Prince. On a entendu, c'était du rap, Brockway Biggs de l'album Future Superstars of Canadian Rap. Ensuite, on a entendu Ghetto Sox de la même compilation. Et on a terminé par l'album Turn Into Vapor de Sleepless Nights. Dans la deuxième heure du poste d'écoute, on va entendre des choses très intéressantes, dont St. John 3 The Revenge. On va aussi entendre Nico Lelièvre avec l'album Parallèle. On va entendre Sam Chalabi avec Aïd. Peut-être qu'on va se risquer avec Karina Zorn et l'album Through These Eyes. Et puis plus tard dans l'émission, on va entendre aussi Brad Casey avec The Hour Between Dog and Wolf et The Ex-Boyfriends. Là, j'ai tout dit ce que j'avais dans mes mains. Je crois qu'on va réussir à passer au travers de ça. Ça ne me surprendrait pas. Et on va aussi avoir peut-être des surprises. Hein? Restez avec nous. Le poste d'écoute, c'est l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, qui les écoute pour la première fois. Hein? La première fois. Tout de suite, voici Sleepless Night. C'est A. All Andrews Friends au 89.fm. Bon, attends, c'est la deuxième heure du poste d'écoute. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Maintenant, je suis en compagnie d'Anne Janvier qui va me tenir compagnie pour le reste de l'émission. Je vais même te tenir la main. Oh, ben là, j'en demandais jusqu'à pas autant. Jusqu'à la fin de l'émission. Ah, oh, lâche ma cuisse, par exemple. Ben là. Ah, OK, reste. C'est... OK, c'est bon. Pour ceux que ça intéresse plutôt dans l'émission intéresser, le verbe intéresser. Intéresse-treux, d'accord. Ben plutôt dans l'émission, on a écouté une compilation vraiment très très bonne là, qui s'appelait Montreal Noise and Friends 3 et j'étais pas au courant si on pouvait l'acheter ou pas. Je me suis renseigné, il y a 10 000 exemplaires gratuits qui vont être distribués à Montréal. Nightlife Magazine, c'est eux qui font ça, 16 groupes, une seule compilation. Donc cherchez cet album Montreal Noise and Friends 3. Voilà. Donc, deuxième heure du poste d'écoute, on commence ça par St. John 3 The Revenge. C'est une compilation faite par BBO Records et CFMH FM 107.3. Hein? Ah, ben oui. Quand même. Et voici tout de suite la pièce Hospital Grade Calling On. C'est la formation Hospital Grade et la pièce Calling All Constations. Et ça commence à l'instant où ça? Sur le poste d'écoute. Oui, monsieur. C'est fou, j'aurais pu me tromper de dire la chance au courant, mais non. T'aurais pu dire E3. J'aurais pu. Vanadium 303. Surtout. Super! oh my head, it is not okay. Should scrap the day and go back to bed. A smile has cracked on my face. I feel so sick. I know my place is not out there. I'm not with them. I'm trapped in me, my heroin. Oh my dear, this is not okay. I lost my way, so they brought me back here. I had dreams, now they seem beyond my grasp and fading fast. I had a plan, it failed. Damn, I'll never need that stick. Trouble. C'est ça, c'est comme des grosses touches comme les téléphones pour avec, tu sais. Windows Vista qu'on parle, c'est ça. Ouais. Toute la grosse barre, des grosses affaires. En tout cas. Tout bombé. Je vais retourner à XP, bon. Je te comprends, je te comprends. On vient d'entendre, premièrement, vous écoutez le poste d'écoute, vous le syntonisez, non, vous l'aimez. Non, pas à la connexion. Non, ce n'est pas l'émission d'informatique et de jeux vidéo. C'est plutôt l'émission qui découvre les nouveautés musicales, qui les écoute pour la première fois en même temps que vous. On était en train d'écouter St. John 3, The Revenge, tous ensemble. On l'écoutait-tu? Ben, en tout cas, les gens l'écoutaient. OK, ça jouait. Ça jouait à l'arrière. C'était correct, là. Ah, c'était correct. Pas capoté vraiment, là. C'était pas désagréable, mettons. Non, c'était pas agressant. C'était correct. Mm-hmm. Ça vient d'une station de radio qui s'appelle CFMH 107.3 FM, qui vient justement de passer, eux, à 250 watts le 29 octobre dernier. C'est beau, hein? Ouais, ben, il serait temps que ces fous fassent des compilations. C'est ça, parce qu'on était à 250 watts v'là un an avant que. Là, toujours. Avant qu'on devienne. C'est big. Gros, big. On est big. Mais là, on est partout maintenant, là. On joue partout. Depuis janvier dernier. À le Ramderol. Oui, on joue à le Ramderol. Oui. C'est ça. Donc, on a entendu dans cette compilation, on s'éloigne du sujet, Hospital Grade avec Calling All Constellations, Mr. Descent avec My Head, et ce qui vient de jouer à l'instant même, c'était Something French de la formation, avec la pièce I Am et Microphone, voilà. Just when you thought it was safe, you go back in the city. Parce qu'ils ont un thème de Jaws, les dents de la mer sur la pochette. C'est un requin. Puis ça dit, alors que vous croyez que vous pouviez retourner dans la ville, maintenant, bon, en tout cas, je sais pas, c'est correct, vraiment. On passe à autre chose, Danny, je pense. Ben, ça va être beaucoup mieux. C'est toi le pilote, hein? Tout à fait, mais je te demande si ça te tente. Oui, ça me tente. Ça bon. Me tente vraiment, je pense, depuis tantôt. Ça te tente-tu d'écouter du... Ouais, t'as l'air sincère. Ça te tente-tu d'écouter du Nico Lelièvre? Ben, je regardais la pochette, puis je disais, mais donc, Nico Lelièvre. Ben, ça, je me disais, pochette tellement minimaliste avec que du blanc à l'avant. Quelques taches. Quelques petites taches noires de dingue, on pourrait dire. C'est dénudé, c'est très, très sain, c'est zen. Sauf à l'intérieur où il a mis son corps et sa face. On dirait presque qu'il tient son pénis dans sa main. C'est vrai qu'il a l'air de tenir son pénis dans sa main, mais c'est sa ceinture d'ailleurs. Ah, mais c'est... moi, d'où je suis placé comme ça? Il dit, lorsque l'on pense que tout est fini, ce n'est que là que tout commence. Oh, profond, le monsieur. Vous pouvez aller visionner le vidéoclip Les Fous, qui est inclus dans ce CD, hein, si vous l'achetez. On va l'entendre une pièce qui s'appelle Into... Et puis, fuir, hein? Ben, j'espère que ça vous fera pas fuir. C'est un très bon jeu de mots. Qu'est-ce que les gens syntonisent en ce moment? Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Ils vont trahir, là, les gens, ça va. Ah. Oh, ça a l'air doux pour les fesses. Ils sont pas si vite que ça, David, de toute façon, les gens. Ça a l'air très... Hey, sois pas méchant comme ça. Excuse-moi, vous êtes c'est nos auditeurs, vous êtes très intelligents, surtout si vous nous écoutez. Ah, ben voilà. Hey, ça les autres, ben... Ça sonne un peu comme du White Swan. C'est, ça a l'air doux pour les fesses. Cachemire avec les petits chats, Cachemire triple protection. Ah, d'accord. Au retour d'autres pièces de Nico Lelièvre et son album Parallèle dans le poste d'écoute. Vous avez la chance de syntoniser le poste d'écoute et voici une autre pièce de Nico Lelièvre. C'est Où suis-je au 89.1 FM. Je t'ai jeté dans mes bras comme un diamant perdu. Tu t'es frotté à moi comme un chemin ardu. Comme un verre de terre insensible à l'hameçon. Cette fois-ci j'ai ma leçon, je m'étale par terre. Comme j'ai été nul pour notre première soirée. J'étais assommé, tu as brisé ma bulle. Appelle-moi, parle-moi. Tu ne voulais pas que ça, moi non plus je t'assure. Je te voudrais à l'usure. Tu verses quelques larmes pour soulager le feu. C'est fébrile et dangereux si tu ne reviens pas. Moi je suis qu'un con. Moi je suis qu'un con. Tu verses quelques larmes pour soulager le feu. C'est fébrile et dangereux si tu ne reviens pas. Moi je suis qu'un con. Tu me manques déjà. Thank you. les 20 minutes, tu t'enlèves les annonces. Ça se fait pas, ça, 20 non. minutes. Non! Il te faut un DVD. Faut que t'attendes pour l'épisode complet. Tu fais pause quand tu fais pipi. C'est ça, tu vas faire pipi, ça. Tu vas chercher des peanut munchies. Ben oui, enrobé de, tu sais. Enrobé de saveurs. De douce et épicée, là. C'est le paradis dans la bouche, ça, là. C'est le paradis. Non, mais faut le dire. Munchies, douce et épicée, comme paradis. Comme les gens québécois, c'est bon dans la gueule. C'est bon dans la gueule. Ça goûte bon la ma gueule. On va entendre Nico Lelièvre avec l'album Parallèle et trois premières pièces, l'intro qui s'appelle Into. Hein? Fuir et puis Où suis-je, Danny? Est-ce qu'on arrête là? Où suis-je? J'étais là, devant la console. Oui, vous êtes ici. Ah, comme bien. Dirait Patrick Masbourian. Vous êtes ici. Vous êtes ici. C'est la nouvelle émission. Ben, je pense qu'on aurait assez. C'est assez, hein? Ben, c'était pas mauvais. Non, c'était bon, là. C'était bon, mais... Tantôt, j'ai été pas gentil. Je disais plein de choses niaiseuses. Ben, c'est pas parce que tu peux te flatter les fesses avec, parce que c'est doux, que ben, c'est pas bon. C'est, ben c'est bon, des fois. C'est le fun de flatter les fesses. Ben, se faire flatter, c'est mieux. Ben, c'est sûr, mais quand t'es tout seul, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. OK. On passe à Sam Shalabi. Son album s'appelle Eid ou Hide, E-I-D, hein, bon. Et puis, ben, on le regarde derrière. Commençons par l'avant, OK? On voit un ciel. C'est très beau, une genre de pyramide en Égypte. Hein? On voit ça avec un beau ciel ensoleillé, nuageux en même temps. Absolument. Et puis, en arrière, ben, on voit la face d'un gars avec un collage avec de ça, lui-même. Son doigt sur la bouche et puis plein de poses. Un garçon qui doit s'aimer beaucoup quand même. Oui, il a l'air à ça, en tout cas. C'est ce qu'on pourrait dire. Il aime son visage. On le connaît pas bien, ben, mais on peut dire que oui. Puis, à l'intérieur, ben, il y a un beau petit dessin. Ah, ça, par contre, j'aime ça. Peut-être fait par son neveu. Mais... Ou lui-même, s'il n'y a pas de talent. Peut-être. Ben, en dessin, là. Ben oui, oh là. En musique, il doit être très bon. Bon, OK, arrêtons de juger la pochette. Là, c'est pas ça l'important. On va écouter une pièce. Ben, de... quand t'es dans un poste d'écoute, tu regardes la pochette. C'est un peu ça, hein. Ben là, c'est faux. Ben, c'est ça. Surtout hein? quand tu découvres des nouveaux trucs. Pour la première fois. Si tu connais pas la personne, tu connais pas le nom, tu la regardes. Et voilà. Hein? C'est avant vrai? De l'écouter. Faut pas se leurrer. Tu sais, les artistes qui disent ah, c'est la musique qui est importante. Oui, ben, oui. Mais la première chose qui arrive dans tes mains, c'est l'objet, puis tu le regardes. Tu sais, les filles ont bien beau dire, tu sais, c'est le cœur qui compte. Tu le checkes un peu pareil, tu sais. La dire de quoi d'assez gras. C'est, pas la gras. C'est pas la l'argent ni la longueur qui importe, on dit. Ah, mais ça, c'est parce que quand elle est trop fine qu'elle dit ça. OK. C'est pas juste à toi que ça arrive. Eh non, je le sais. OK, vous êtes à Parlons Sexe avec Mathieu Plante et Danny Janvier. Vous pouvez nous rejoindre au 819-376-583. 819-PÉNIS. Thank you. Zen, ça? Très zen. Très, très zen. Comme la plomberie zen, tu disais. Oui, puis la cuisine évolutive. Cuisine évolutive, pourrais-tu m'expliquer? À cette heure, tout est zen maintenant, Mathieu. OK. La cuisine évolutive, c'est elle se transforme pendant que tu la manges. Oui, c'est ça. Dans ta bouche, elle devient autre chose. Exactement. J'imagine. Ça a l'air bon. Eh oui. J'en veux. C'est très bon tout ça, tu sais. C'est un style musical très bon. Moi, comme je te disais, j'aime ça, mais c'est sûr que la radio, peut-être, c'est pas idéal quand les gens sont dans leur voiture et veulent se réveiller. Exactement. Mais donc, par contre, si tu reçois des amis, t'es relax, puis tu manges, puis tu veux pas que la musique prenne la place, ça peut être très bon. Ça marche avec du vin. Oui. C'est vraiment très beaucoup bon. Beaucoup de boucan aussi. Oui. Ça sonne boucan, je pense. Ouais, ouais. Donc, c'est Sam Shalabi. Son album s'appelle Aide. On entendait la pièce Awaga au départ. Et ça, c'est Jessica Simpson, la pièce qui dit. Ouais. Jessica, ça a changé. Très, très différent. Ben, ça, c'est le fun, par exemple. Ouais. Même qu'on pourrait se permettre de la laisser aller. Sauf qu'elle dure assez longtemps quand même. Mais on va. Trop pire, tant que ça. On reviendra avec d'autres choses parce qu'il nous reste encore. 4 albums pour remplir la troisième heure. Wow. On va rappeler aux auditeurs qu'on est en début d'année et c'est rare que la première ou deuxième semaine de janvier, il y a beaucoup de nouvelles sorties. Les gens se reposent un peu. C'est qui l'animateur radio? Je sais pas si c'était Claude Rajotte qu'on me disait qu'il faisait pas d'émission en janvier vu qu'il n'y avait rien. Ouais, c'est ça, il se passait pas grand chose. Mais nous, on est là quand même parce qu'il y a des nouveautés. Mais moi, je connais un autre animateur radio, il s'appelle Mathieu Plante. Oui. Très bon animateur. Ben, je le connais pas, tu me parleras de lui. Y a-tu, j'ai entendu qu'il y avait comme 28 émissions en même temps. 28 ou 27 cette semaine. 27 émissions, je pense qu'il a relaxé un petit peu cette année puis il est rendu juste à 27. Il est lâche cette année. Un maudit paresseux. Plus tard, on va entendre Karina Zorn, on va entendre Brad Casey, The Ex-Boyfriends et peut-être quelques pièces de Headache 24. Nous avons envoyé un album de Noël. Mais il y a une pièce qui est, je crois, pas de Noël là-dessus. Donc peut-être entendre ça plus tard. Peut-être, si vous êtes fin. Peut-être. Si et vous êtes fin. On va couronner notre grand poste d'or, là, l'album de la semaine, c'est la fin de l'émission. Ouh là là. Il n'y aura pas de combat poste à poste parce qu'il n'y a pas grand-chose à combattre. Il n'y a pas grand-chose à combattre. T'es vite là-dedans, toi. Hein? T'as deviné que je le ferais pas. C'est une bonne idée. Il n'y a comme rien à faire. Faut qu'on en parle. Une autre fois. Parce qu'on le fera pas. Il n'y aura pas de bloc fidèle au poste non plus avec Danny Janvier. Hein? Non, parce qu'il n'y avait rien écouté, Danny Janvier. C'est beau. Il n'est pas venu en plus. Que... une émission gigantesque. Non, Danny Janvier, Duchamp n'est pas venu. Maudit ça. Fatigué. Ça, c'est pas d'année. Yannick, parlons un petit peu par-dessus ça à la place. Ça va être difficile de trouver de l'espace pour parler par-dessus ça, par exemple. Pas grand place. C'est fucked up. On dirait que c'est comme je dirais bien, hein, c'est fucked up. C'est la musique de Brutiste, c'est ça? C'est brutafile. Pour les grands fans de Vidéons l'allons la question, l'émission d'humour assez fou là, qui avait écouté le spécial Noise. Là. Du Noise. C'est un bel exemple, ça. Oui, mais le Noise, par exemple, ça va être sur tout le long. Là, il y a comme un petit... Ah, OK. Ah, faut que ce soit tout le long pour être ben, Noise. Pas mal, oui. OK. Noise, c'est Noise. Puis il y a vas-y. C'est Noisy, ça? C'est Noisy, ouais. À tendance Noisy. Noise-esque, on pourrait dire. Mais gars, c'est drôle parce que là, c'est d'autres choses. Puis tantôt, la première tune, c'était hyper planant. Mm-hmm. C'était un genre d'orgie de son. Un hot dog de son, on pourrait dire. Un hot dog de son. Relish, moutarde. Ouais, mais moi, je dirais avec de la salade. La choucroute? La choucroute, non? Non, mais quand je cherche le nom. Ouais, de la guedouille, guedouille, guedouille. La guedouille, guedouille. Yes. La guedouille, guedouille, c'est ça que je cherche. De la guedouille, wow. C'est de la guedouille de sonore. Guedouille musicale. C'est un peu ça, le poste d'écoute. Alors, on écoutait Sam Shalabi avec l'album Hide, et puis ça, c'est la pièce, croyez-le ou non, Jessica Simpson. Oui. Oui, oui. Ben, oui. On l'entend, on voit l'influence. Ben oui. Les gens vont dire, ils sont malades mentales. C'est n'importe quoi. Ben, c'est vraiment le nom de la pièce, c'est juste avant, c'était Awaga. Awaga. Awaga. J'aimais mieux finalement Awaga. Mm-hmm, OK, OK. Mm-hmm. C'est moins joli que Jessica Simpson, par contre. Mais vrai. Vrai. Donc. Elle est plus gentille. Il a vécu au Caire, ce monsieur Sam Shalabi. C'est son troisième album solo. Sono. Sonorité sur solo. sur l'étiquette Alien Health. Fidélité. Ça a été écrit et conçu au Caire en Égypte en 2006 pendant que Shalabi vivait là-bas. Et puis ça a été réalisé ensuite à Montréal et Vancouver pendant la première moitié de 2007. L'album résulte de deux idées séparées qui ont mijoté pendant quelques années. La première était l'idée de Shalabi qui voulait composer des chansons pour des chanteurs qu'il aimait et qu'il connaissait. La deuxième idée était de créer un album pop arabe moderne. Et c'est ce que ça donne. Sam Shalabi et Hyde. Voilà. Mais pour vrai, j'haïs pas ça. Là. C'est juste que c'est... Oh, pas mauvais, mais c'est très, très différent. C'est très différent. Extrêmement différent. Voilà. Donc, c'est Sam Shalabi. Maintenant, on passe à Brad Casey, un artiste canadien qui nous a envoyé son album The Hour Between Dog and Wolf. Un autre gedouille musical. Avec, évidemment, c'est à la mode de ces temps-ci de faire un side one and side two oui. CD. Excepté qu'il y a une pièce qui est dans le milieu. Ah, c'est... Ça doit être séparé. C'est sur la tranche. C'est sur la tranche. Si tu le joues à la verticale, oui. C'est ce que ça donne. Mais à la place, on va l'entendre Hazy Eyes dans le poste d'écoute. Chose FM 89, chose 2, 1. C'est ça. 2, 2, 1. C'est FM. Gedouille FM. Poste de la guédille. Comment t'as dit? Non, mais c'est parce que je suis en train de me dire qu'on aurait dû s'appeler la guédille musicale au lieu du poste d'écoute. Je trouve ça un peu cheap. On a manqué notre. Là, ben, c'était un peu tard pour changer. On vient juste. Je suis très déçu. Believe it's just Monsieur Castré, c'est ça? Non, Brad Casey, qu'on dit. Choisir Castré. Proche. Son album s'appelle The Hour Between Dog and Wolf. On vient d'entendre Easy Eyes. On va l'entendre What Will You Do dans quelques secondes. Mais avant, résumons la deuxième heure du poste d'écoute. On a commencé par la compilation St. John 3 The Revenge. On a entendu les groupes Hospital Grade, Mr. Distant et Something French. Ensuite, on va passer à Nico Lelièvre. Son album s'appelle Parallèle. Et si je me rappelle bien, c'est son deuxième album solo. Voilà. Ensuite, on a entendu Sam Shalabi avec Hyde. Et on vient de terminer par Brad Casey avec The Hour Between Dog and Wolf. Dans la troisième et dernière heure du poste d'écoute, on va entendre The Ex-Boyfriends avec leur album Coming Before the Next One. On a aussi Karina Zorn avec Through These Eyes. Et si vous êtes fin, The Great Fiction qu'on a reçu en primeur d'une auditrice qui est venue nous mener ça, là. Et ça a l'air, ma foi, très très bon, même si pas exactement nouveau du mois, là. Ah, oh, c'est pas grave. Mais quand même, c'est nouveau pour ces fous, vu qu'on l'a pas encore entendu. Mais surtout qu'on n'a pas grand chose d'autre. On n'a rien d'autre à mettre, fait que pourquoi pas, je veux dire, on pourrait. Danny va se mettre à chanter dans quelques secondes. Ben là, c'est ça, on met cet album-là ou ben je chante. Ben c'est qu'on pensait à quelle chanson lui faire chanter. Surtout celle que je connais les paroles. Ben oui. Sinon, je peux inventer. Moi, je suis bon là-dedans. J'invente des paroles. Tu peux chanter du Brad Casey aussi. Je chante en anglais. Peux-tu chanter comme une fille? Comme tu peux chanter comme une fille, presque. Ben, ça dépend. Faudrait que tu me dises quoi. Chante, Vive le vent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Oh là là là là là là. Et Noël, c'est fini. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes au poste d'écoute. On écoute les nouveautés musicales avec vous pour la première fois en même temps que vous restez là. Parce que ben, plus tard, ben, on revient. C'est aussi simple que ça. Pas de raison de s'en aller. Non. New. Essayez pas. Well, Bon, tour, c'est la troisième heure du poste d'écoute. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, toujours avec Danny Janvier qui m'accompagne jusqu'à la fin cette semaine. Hein? Oui, ben oui. Ben oui, pas de blog fidèle au poste, mais quand même, il est là, il est présent, il fait des blagues avec moi. On fait des blagues? On a fait des blagues, ça? Ah. On est que sérieux. On était que sérieux, d'après moi. Que sérieux. Et sérieusement, là, ben, il n'y a tellement pas de nouveautés cette semaine, assez fou, qu'il nous reste seulement trois albums. Hein? Karina Zorn, Headache 24, avec un album de Noël qui a des pièces qui sont pas très Noël dessus. Mais on commence par The Ex-Boyfriends. L'album s'appelle Coming Before the Next One. On a reçu ça début décembre, je crois. Ouais. Et on commence par la pièce Chinese New Year in Vancouver. Ah, ben c'est bon. Nouvel an chinois à Ousha. À Vancouver. Vancouver. We'll be right back. The Ex-Boyfriends avec Spanked by Lightning, précédé de Her Father's Clothes et Chinese New Year in Vancouver. The Ex-Boyfriends, un groupe de punk rock de Calgary. Okinawa, Calgary. Les membres sont Joel Davidson, Dean Martin, Christopher Milne et Michael Patton. Et puis c'est un groupe qui se dit rock et roll en même temps. C'est rare. Très rare. Rock et roll. Rock et roll. myspace.com/txbf txbf ou encore www.3, le chiffre 3, telus.net /public/mpatton. Allez voir lunechance.com pour aller sur le lien directement. Voilà. Alors, je pense qu'ils ont un .com aussi. Si je me rappelle bien, c'est le ex-bf.com. Pas à mode, hein? Pas à mode, .com. Hein, c'est plus à mode. L'album s'appelle Coming Before the Next One. Maintenant, ben, il nous en reste que deux, on dit depuis tantôt. Il nous reste Headache 24. Mais on commence par Carina Zorn, l'album risqué de la semaine. On regarde ça, ça a l'air d'un album très, très plate. Si. Ça a l'air de la cousine de Joanne Blouin. Ah oui, ok. Ah, ben, c'est ouais. L'album s'appelle Through These Eyes. Et tout de suite, voici la pièce titre de l'album. Et puis, on verra s'il y en a d'autres après. Mm-hmm. Avec la cousine de Joanne Blouin, restée sur le 89.1. C'est le poste d'écoute. Repeats itself. Should I control myself of this feeling? And tell me, did I plan to love this other man without meaning? Still I love him more. And though we've never touched the thought of just how much I've needed to be with you again, and this time not pretend somehow through Je l'ai dit, c'est vraiment la cousine de Joanne Louin. Ouais. C'est aussi bon. Ouais. Je pense que t'as raison, je pense qu'on va arrêter là. Ah, c'est atroce. Hein. C'est Carina Zorn, l'album s'appelle Through These Eyes, et ça, c'est la pièce Through These Eyes. Et c'est ça. C'est bon, mais pas assez fou, genre. Non, hein, non. Non, non. On va écouter. C'est pas assez fou. Une autre petite pièce, juste pour voir. Totalement dans le même ton. C'est pareil, l'autre après, c'est pareil. Ouais, l'autre. Ouais. C'est comme du cachemire triple épaisseur. Bon, ben, à la place, on va aller entendre une pièce de LA 24. Pourquoi pas? Une pièce qui n'est pas de Noël, parce qu'ils nous ont envoyé un petit hippie, un maxi de 4 pièces de Noël. On a reçu un hippie d'une boîte, avec la boucane qui sortait de la boîte, les cheveux longs. La première pièce s'appelle Minuit chrétien, ensuite il y a Joyeux Noël. Ça me tente d'entendre Tourtière. Ben pour le fun. C'est peut-être Noël pareil. Ça va peut-être nous donner faim. Ben, c'est... Tout de suite, au poste! Écoute! Graisse végétale, 150 g de farine tout usage, 150 g, une demi-cuillère à thé de sel. Préparation de la pâte, ouais. Ah. Incorporer la graisse à la farine et ajouter le sel. Verser l'eau froide d'un seul coup, mélanger délicatement, mettre en boule et réfrigérer 2 heures avant de rouler. Fariner un plan de travail. Diviser la pâte pour former 2 abaisse en tenant compte que la baisse du fond doit être plus grande que celle du dessus. La viande. 500 g de gros porc frais haché. Gros oignons et mes sel et poivre. Mettre le porc, l'oignon dans un chaudron. Assaisonner. Recouvrir d'eau et laisser mijoter pendant 90 minutes jusqu'à ce que l'eau soit presque entièrement évaporée ou presque. Et presque. Bien défaire la viande à la fourchette. Bien faire dans une tourtière légèrement beurrée, déposer la première abaisse de pâte en la faisant déborder sur les bords. Piter le fond à l'aide d'une fourchette. Mettre le porc. Déposer la farce en l'égalisant à l'aide d'une spatule. Recouvrir avec l'autre abaisse. Mouiller légèrement pendant 90 minutes. Pincer avec les doigts et enfoncer au centre du pâté. Une tourtière pour former une petite cheminée. Badigeonner avec l'œuf battu dans le lait. Enfourner à 200 Celsius, c'est-à-dire 420 pour 10 minutes. Baisser la température à 180 Celsius ou 350 Fahrenheit. Et continuer la cuisson pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que la pâte soit dorée. Jusqu'à ce que la pâte soit dorée. Une gousse d'ail et des épices. À l'île d'Orléans, on mélange le porc, le bœuf et le veau haché en ajoutant un peu de lard, une gousse d'ail et des épices. Dans la région de Charlevoix, on reprend la recette de la tourtière de Lille et on remplace le porc par le lièvre et toutes les viandes et les pommes de terre sont coupées en cubes, sauf le lard haché. On reprend la recette de la tourtière de Lille, mais on remplace le veau par une poitrine de poulet et l'eau par un bouillon de volaille. Haricots, on l'a fait avec du porc et du bœuf auquel on ajoute des pommes de terre, et une pointe de moutarde sèche. Vous s'intonisez toujours le poste d'écoute et voici une autre pièce de Headache 24, As If I Didn't Know, au 89.1 FM. As if I didn't know the sight the world never showed. I'm still stuck in the snow, knowing that there's no world flow. Knowing that there's no world flow. Knowing that there's no world flow. If you don't sleep at night, the sight will stay out of sight. So shut your eyes tight, then maybe we might. It's okay if you don't have a life. Without gifts, you still can't. hot like me, aka Jamie. Avec 24 avec la pièce As If I Didn't Know de leur album Noël 75. En fait, c'est un maxi de 4 pièces, pièces de Noël. Et Tourtière qui vous a appris comment faire une tourtière. C'est toujours le fun. Et As If I Didn't Know qui vient tout juste de jouer. Avec 24. Voilà un autre des nouveautés qu'on a reçues assez fou depuis les 7 derniers jours. Et en fait, c'était pas mal la dernière. Et vous voyez qu'il nous reste une petite vingtaine de minutes. On va aller écouter du Great Fiction. Parce qu'une auditrice fan fidèle de C'est Fou et. De toutes les émissions là, que j'anime, les 28, elle est venue nous mener un CD. Une fan de Mathieu Plante, finalement. Ça, ben là, j'irai pas jusqu'à l'heure, là, mais peut-être. Tu irais jusque-là. Ben, j'irai peut-être jusque-là, moi, mais je le dirai pas, tu sais, moi-même. Enfin, The Great Fiction, voilà, c'est un groupe du Michigan. Hein, myspace.com/TheGreatFiction ou TheGreatFiction.com. Les membres sont Daniel Zatt, Jonathan Nemi, Ben West, Philip Zatt et Chris Pooley. On va tout de suite aller entendre la première pièce de leur album qui s'appelle... comment s'appelle cet album? Je cherche... Enfin, peu importe. Ah oui, tiens, je l'ai. C'est Slow Progress for Simplicity. Et les voici avec la pièce Laija au poste d'écoute. Tu es en train de prendre des photos de moi? Qu'est-ce que tu fais? Des films? C'est un film de toi. Tu faisais un film de moi avec ton cellulaire. On va l'envoyer à mes fans. Calling for a home. again. I don't know where I belong. Great Fiction et les trois pièces qui ouvrent l'album qui se nomme Slow Progress for Simplicity ici dans le poste d'écoute. C'est un album qu'on a reçu d'une auditrice. C'est pas exactement nouveau, mais c'est nouveau pour ses fouilles, comme on dit dans le domaine. Si vous l'avez pas entendu, c'est nouveau pour vous. Hein? Voilà. Donc, The Great Fiction, un groupe du Michigan avec Daniel Zott, Jonathan Nemme, Ben West, Philip Zott et Chris Pooley. Un groupe qui existe depuis... qui joue ensemble depuis 97. C'est un groupe d'amis. Et puis voilà. C'est très bon. The Great Fiction. Ça ressemble un petit peu à Dead Cab for Cutie. Ouais, c'est ça. Bien. Un groupe que j'aime bien. Et The Great Fiction, ben, Il y avait une pièce dans le film The Invisible, et c'est la pièce qu'on vient tout juste d'entendre, Body Urge. Donc c'est de là que l'intérêt de notre auditrice est venu, et elle a écrit au band qui a envoyé le CD. On a entendu la pièce, donc Body Urge, précédée de Dream Emotion et de Elijah. Et non seulement est-ce que cette fille-là a reçu l'album de Great Fiction, elle a aussi reçu les albums de quelques, comment on appelle, side project. Hein? On commence par Daniel Zott, qui est le chanteur de Great Fiction. Daniel Zott qui nous envoie quelques pièces, et on commence par The Afterlife. Tout de suite, au poste. Écoute. Daniel Zott et Ink and Tight Jeans dans le poste d'écoute. Daniel Zott, c'était le projet du chanteur de Great Fiction. Et puis, qu'est-ce que ça dit aussi? Ah oui, si vous voulez aller vous procurer l'album de Great Fiction, allez sur iTunes parce qu'il n'est pas disponible en magasin. Et Daniel Zott, ben, vous pouvez aller écouter ses pièces sur le myspace.com/. Et Daniel Zott, lui aussi, vient du Michigan, un peu comme le band, évidemment. C'est de l'acoustique pop. Et puis, voilà qui fait le tour pour ça. Il nous reste une dernière pièce à entendre. C'est l'album The Real Efforts of Real People, qui est un autre projet connexe à The Great Fiction. On va aller entendre la pièce... celle qu'on a entendue tantôt, je suis tout mêlé. La pièce de tantôt, c'était The Afterlife. La pièce qu'on va entendre de Real Efforts, c'est Ink and Tight Jeans. On va faire un petit résumé rapide de la troisième heure. On a entendu la formation des Ex-Boyfriends avec Coming Before the Next One. Ensuite, on a entendu Corinna Zorn, qu'on a coupé avec l'album Through These Eyes, et Headache 24 avec leur EP Noël 75. On a terminé par The Great Fiction, Daniel Zott et The Real Efforts of Real People. Allez sur iTunes ou passez par lunechance.com pour les infos. Danny Janvier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à la cousine de Joanne Blouin. Absolument, on l'a vraiment aimé, elle. Oui. Moi, je vous retrouve à La Connexion les jeudis à 11h et les mardis à 9h et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis à 17h. Le poste d'écoute est en direct le vendredi matin à 10h en rediffusion, les samedis et mardis à 13h. On se quitte, comme je disais, sur The Real Efforts of Real People avec Ink and Tight Jeans, et le poste d'or, l'album de la semaine, c'est Sleepless Nights avec Turn Into a Vapor. Les pièces et plus d'informations sur le unechance.com et la balade de diffusion qui est là aussi, hein. N'oubliez pas, la balade de diffusion est tellement fine, c'est important. Bye bye. Bye bye. If I don't, not if I do, I'd better be.